Je ne puis contenir ma surprise quand je vois certaines gens demander aux autres leur temps, et ceux à qui on le demande se montrer si complaisants. Les uns et les autres ne s'occupent que de l'affaire pour laquelle on a demandé le temps. Mais le temps même, aucun n'y songe. On dirait que ce qu'on demande, ce qu'on accorde n'est rien. On se joue de la chose la plus précieuse qui existe. Ce qui les trompe, c'est que le temps est une chose incorporelle et qui ne frappe point les yeux. Voilà pourquoi on l'estime à si bas prix, bien plus, comme n'étant presque de nulle valeur. De nobles sénateurs reçoivent des pensions annuelles et donnent en échange leurs travaux, leurs services, leurs soins. Mais personne ne met à prix son temps. Chacun le prodigue comme s'il ne coûtait rien. Voyez les mêmes hommes quand ils sont malades. Si le danger de la mort les menace, ils embrassent les genoux des médecins. S'ils craignent le dernier supplice, ils sont prêts à tout sacrifier pourvu qu'ils vivent, tant il y a d'inconséquences dans leurs sentiments. Que si l'on pouvait leur faire connaître d'avance le nombre de leurs années à venir, comme celui de leurs années écoulées, quel serait l'effroi de ceux qui verraient qu'il ne leur en reste plus qu'un petit nombre, comme ils en deviendraient économes. Rien ne s'oppose à ce qu'on use d'un bien qui nous est assuré, quelque petit qu'il soit. Mais on ne saurait ménager avec trop de soin le bien qui, d'un moment à l'autre, peut nous manquer. Toutefois, ne croyez pas que les hommes dont nous parlons ignorent combien le temps est chose précieuse. Ils ont coutume de dire à ceux qu'ils aiment passionnément qu'ils sont prêts à leur sacrifier une partie de leurs années. Ils les donnent, en effet, mais de façon à se dépouiller eux-mêmes, sans profit pour les autres. C'est tout au plus s'ils savent qu'ils s'en dépouillent. Aussi supportent-ils aisément cette perte dont ils ignorent l'importance. Personne ne vous restituera vos années, personne ne vous rendra à vous-même. La vie marchera comme elle a commencé, sans retourner sur ses pas ni suspendre son cours, et cela sans tumulte, sans que rien vous avertisse de sa rapidité. Elle s'écoulera d'une manière insensible. Ni l'ordre d'un monarque, ni la faveur d'un peuple ne pourront la prolonger. Elle suivra l'impulsion qu'elle a d'abord reçue. Elle ne se détournera, elle ne s'arrêtera nulle part. Qu'arrivera-t-il? Tandis que vous êtes occupé, la vie se hâte. La mort, cependant, arrivera, et bon gré, mal gré, il faudra la recevoir.